soif de belles paroles. Femmes sont créatures qui doivent. Y a trompé qu'à soif de belles paroles. Mais on remarque aucun trop importance. Yo vle jete yo comme si yo nan souffrance. Le yo remake yo gen trop importance. Yo vle jete yo comme si yo nan souffrance. Femme qui gezie tout patou. Reme di gason se bakolo. Femme qui gezie tout patou. Mais dis garçon, c'est pas colo. Peu déclarer, mes chéris, moi même. Yo bêtise, yo passe en avance. Peu déclarer, mes chéris, moi même. Yo bêtise, yo passe en attente. Cherche au moyen pour pas tourment. Viendra rentrer au cité qui compte là. La cherche au moyen pour pas tourment. Mais maman chérie, va vite surveiller. Allez vous en, papa tête chargée. Mais maman chérie, va vite surveiller. Allez vous en. Ma bande tête chargée. Yo con l'autre système pour y adopter. C'est à l'extrême. Yo con l'autre façon. Yo dit ou sans façon. Si ou pas gen go bandiguet. La pouye gado comme coq sans bec. Si ou pas gen go bandiguet. La pouye gado comme coq sans bec. Allez non, allez ou là-bas. Je m'en pas vivre, mesdames. Allez, non, allez où là-bas. Moi, papa, je m'en pas vivre, mesdames. Allez, allez. We'll be right back. s'arrête, s'arrête, s'arrête. Pas besoin de pas m'aider. Très, très, très, très grave sur l'habitation. Pas besoin de pas coloquer. Femme coloquette. C'est un monde pour mon respecté. Ouais. Ah. Pas besoin de pas coloquer. Ton homme qui gêne garçon. Si vous pouvez avoir une femme coloquette dans la main, vous pouvez avoir une femme. Vous pouvez avoir une femme. Ah. Mon sa yo. Yo pa gen l'autre nourriture. Banana poisson. Ou bien tu qui la poire avec. C'est pour plus vite. Ha. Alors le plus souvent, mon sort toujours une conversation. On va vous poser, on va. C'est jour là, par contre, ça passe camarade là. L'arrivée poser, même j'ai une question. Qui question qu'on va lui poser là? Chérie. Qui signe? Qui signe? Alors, la pendule qui est au scope, lui, ça va pas une femme de répondre. Oh, signe-moi, signe-moi. L'argent, tout ça, deal. L'argent, là, dit chez Renal, bon, tu peux me l'adon. L'argent, là, dit chez Renal, font t'y belle. L'argent, tout le champ chaud. L'argent, tout ça, deal. L'argent, bon. Mais pas qui pirate là. On sa yo. Ou bien doit lever demain matin. La gade ou. Ou ap gade li. Pas même un tichi. Même un grand pig. Ah. Bon, même pas qui pig là. Le plus souvent. L'on va bien la kaye moun sa yo. Patalon, c'est tout le clou la kaye au coquille. Alors moun sa yo. Yo toujours bon tichi. Pas comme n'a dit ou. Y'a pas de caresse. On va passer maintenant tête ou faire petit capou ou bon pour être dans oreille ou comprendre. Alors façon pour pas attendre. Oui, moteur, on va pas attendre. Oui, moteur, on va. Mais moteur pas grand marcher l'autre jour. Parce qu'il est arrivé marcher sur trois cylindres. Attendez. C'est kata. Comprendre. Alors, viens, je nous même. Ou bon petit Jean. Sensible. Vous ne pouvez pas posséder ou pas qu'on a rien. Ou pas qu'on qui soit ouais. Oh oh. Moi, t'as longtemps battant, c'est tcha tcha tcha, ça mon maman. Il y a là où est qui boye. Où est Kotoye. Bon. Pas qui vous gagne, l'autre va dormir la caille, mon saillot même. Le plus souvent, pantalon, c'est tout dans ce ceinture. Je crois que pantalon dans le cloître. Alors la pression, vous allez lever dans la nuit là pour la jouer dans le pantalon. Vous comprenez? Des 20 poulies. Au lieu de pantalon dans ce ceinture, c'est deux pieds pantalon le coquille. Pantalon vite tête en bas. Tout ça possède, tout tombe dans le plancher. Alors, vite le plancher qui est tout, on va lancer la dépouille. Hein? Bon, ça c'est toi qui est là, méchaille là. Maga qui vire là. L'autre doit la gamme, ça y est. C'est quand vous me dites, c'est quand un docteur va aller. L'aime tout ça. Moun. Tous ces garçons. Garçon, les conseils à moi, même paraît dans la porte là, il paraît dans la porte là. Avancez, le suivant qui laisse quitter là avant, rentrer, le suivant qui laisse quitter là avant, rentrer, le suivant qui laisse quitter là avant, rentrer. Alors qu'on a haïtien, l'autre haïtien côté, faut toujours garder ton bagage. Par contre, ça passe, n'est-ce pas, on va faire discussion. Oh oui, c'est pas 6h du matin là, ou pas passer en vent. Ou pas passer en vent, ou faire vin, ou pas passer en vent. Ou pas passer en vent. Et puis pour mademoiselle, même, qui paraît en porte, la cheville, gaillé, suez pour petit bouquin. Qui paraît qu'il tombe à bégué. Non, pas, faire discussion. Tout a passé. Ou passez déjà ou même, ou pin double encore, ou passez déjà. On pourrait moun sa yo. Yo mette gen pelle à stame yo. Yo pa jamwe. Alors même qui jeune garçon rempli d'avenir, faites attention. Pas bide kembe laza tout nan men ou. Pour moun sa pas faire la dernière sou. Femme coloquette, hey! pas mes dames. Allez-vous-en, ancien photo à pédale, coussin PC, bois fouillé, corrède, coloquette. Moi, des changements, outside.